Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast fait par Bibiche et Dino. C'est Dino au micro, donc bonjour. Bonjour, c'est Bibiche. Bonjour Bibiche. Bonjour Dino. Comment ça va? Un peu stressé, mais ça va. Mais pourquoi donc tu t'es stressé? Parce qu'il y a un micro en face de mon nez et j'ai pas trop l'habitude. Oui, c'est vrai que généralement on parle ensemble, mais il n'y a pas de micro. Pourquoi est-ce qu'on a mis des micros entre nous? Pour faire joli peut-être. Ouais, non, parce que ça fait moche. En fait, sur la table, ça fait moche. En termes de déco, c'est pas terrible. C'est surtout pas très pratique, parce qu'il faut tout installer quand on veut se parler. Ça facilite pas le dialogue. Oui, et puis ça me prend la tête, du coup on s'engueule après. ça met notre couple en péril. Donc, Délivrez-nous. C'est un podcast qu'on va essayer de faire une fois par mois, où on va parler de livres. Ah bon, de livres? Oui, parce que c'est un jeu de mots. Délivrez-nous, mais en même temps, c'est délivrez-nous, au secours, mon Dieu, on est enfermé dans ce podcast. Comment est-ce qu'on va aborder les livres, Bibiche? Eh bien, on va aborder les livres sous l'angle d'un challenge lecture. Oh non, pas ça! Oui, alors on sait à quel point on est doué pour aller au bout des challenges lecture qu'on se pose tous les ans, mais on a résumé ça à 12 thèmes de livres, un par mois, et cette année, on va s'infliger. Ah, t'es méchante. Un thème, le même thème, tous les deux, pour le même mois. C'est ça. Mais on a déjà décidé les thèmes des 12 mois de l'année 2021, puisqu'on est convaincu que l'année 2021 va se finir à un moment donné. Oui, a priori, au bout de 12 mois. C'est vrai, les années, c'est généralement 12 mois, effectivement. Vous voyez déjà qu'on en a de la pertinence dans cette émission. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, la liste des 12 thèmes qu'on va aborder cette année? Forcément dans cet ordre-là, c'est un peu le mystère, mais voilà. Alors, je vais les prendre de manière aléatoire, telle que je les ai publiés sur Internet. Donc, oui, parce qu'on est connectés. Tout à fait. Donc, pour le Challenge Lecture 2021, nous avons au choix cette année un roman érotique. Génial, j'ai hâte. Un roman en 9 lettres, titre ou auteur. Ouais. Un roman avec un personnage d'horreur. Ah, j'ai peur. Un roman de l'univers Star Wars. Oh non, ça va être nul si c'est réalisé par J.J. Abrams. Un roman qui se déroule à Noël. Ho ho ho. Un livre sur l'univers de la couture. Oui, c'est un truc très girly. Oui. Mais c'est moi qui l'ai choisi. je précise. C'est bien, tu assumes ton côté girly. Un roman qui se déroule pendant une révolution. Et là, il n'y a pas de commentaire. On en a gros. Un roman qui parle de mariage. Oui, parce qu'on est mariés et on est très égocentriques. Un roman avec une éclipse. Oui, parce qu'après le mariage, il faut s'éclipser. Un roman de guerre. On fait la guerre aussi. Un roman avec un animal qui a des ailes dans le titre. Oui, ça c'est parce qu'il fallait une catégorie à un moment donné. Et un roman qui parle du cannabis. Pour bien finir l'année, roulons-nous un petit... Mais ce ne sera peut-être pas le thème pour finir l'année. Non, c'est vrai. Je pense que si nos auditeurs ont un petit peu écouté la liste, ils ont des petits indices sur quel pourrait être le thème qu'on abordera au mois de décembre. Je vois vraiment pas pourquoi. Il n'y a absolument rien qui fait penser au mois de décembre. Donc, l'idée, c'est qu'on aborde chaque mois le même thème tous les deux, mais avec un livre différent. Oui. Et donc, du coup, on va partager nos impressions sur le livre qu'on s'est vu lire pendant le mois, mais sur lequel on n'a pas trop échangé. Ça va être dur, ne pas s'en parler pendant un mois. C'est ça, c'est comme une forme d'abstinence. Une abstinence littéraire. C'est de l'abstinence textuelle, ma chérie. Textuelle. Voilà. Ouh. Ne fais pas ça, parce que je peux l'isoler, sache-le, c'est enregistré. Je fais attention à ce que je dis. Alors, pour commencer, parce qu'on est quand même, on pose un concept, ça fait 5 minutes qu'on a posé un concept d'émission, mais on va tout de suite péter le concept, puisque c'est le pilote. Peut-être que ça ne sera jamais publié. C'est juste pour que je m'habitue à parler dans un micro, en fait. Oui, c'est ça. Je vais rien dire. j'allais faire une allusion à la taille du micro et tout, mais je préfère éviter. Et donc, du coup, on va commencer avec un livre qu'on a lu en 2020. Oui. Alors, on va commencer avec le dernier. Toi, l'un des livres, moi, le livre que j'ai lu en 2020. C'est restrictif. Je trouve que tu en as lu deux, quand même. En entier, oui, deux. J'ai fini un troisième entre-temps. Et ce que je te propose, c'est qu'on échange nos livres. Donc, je vais te donner mon livre. Oui. Je te donne officiellement mon livre. Merci. Et toi, tu me donnes... Il est petit. Alors, il me faut deux mains pour prendre ton livre. et c'est moi qui vais présenter ton livre. Et puis après, tu parleras de ton livre. Donc, c'est un livre qui fait à peu près 3,5 tonnes. Voilà. Non, mais c'est très facile à lire quand tu le tiens dans tes petites mains et que tu dois le poser sur ton ventre. Oui. oui. Alors, c'est un livre... c'est pas un livre de poche. Hein, c'est un livre qui fait plus de 800 pages. Un livre qui s'appelle Midnight Sun de Stephanie Meyer. Quel accent ? T'as vu ? Mais je maîtrise bien la langue de Molière anglais. Shakespeare. Oui, bah si tu veux aussi. Donc un livre qui ne dit pas trop de choses sur son sujet puisque en couverture, c'est un truc qui est pas très ragoûtant. Ça donne pas envie. C'est une grenade, le fruit, hein, pas la grenade. Oui. Mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie. Il y a quelque chose de dérangeant dans cette une, dans cette couverture, d'autant que c'est sur fond noir. Il me semble avoir compris que Stephanie Meyer, elle était connue pour avoir écrit quelque chose qui a un petit peu fait parler de lui très, très peu. Dans le monde littéraire et dans le monde cinématographique, puisque c'est elle qui a fait le truc avec les vampires. Oui, qui a fait toute la série des Twilight. Des Twilight, voilà. Parce que quand on va au Twilight, c'est parce que l'envie est pressante. Alors, je sais que tu as un truc, Bibiche, dans les livres, c'est que tu lis la première phrase du livre et la dernière. Oui, donc, ça c'est ma petite habitude depuis des années. Alors, d'où qu'est-ce que ça vient ? Je sais pas. Je trouve que le résumé, c'est pas toujours très parlant pour donner envie de lire le livre. Soit ça en dit trop, soit ça en dit pas assez. Soit ça dit quelque chose de complètement à côté de ce que ça parle dans le bouquin. Et j'aime bien voir la première et la dernière phrase parce que ça révèle pas de l'histoire, normalement, à part si la dernière phrase c'est « et il mourut ». Là, ça plombe un peu tout. Mais tu sais pas qui meurt. Après, si on parle que d'un seul personnage, c'est vrai que ça... Voilà. Mais j'aime bien parce que ça donne tout de suite une petite idée de... Pas forcément du thème, mais du style de l'auteur, si c'est une phrase courte, si c'est une phrase longue, si ça te plonge tout de suite. Des fois, il y a des petits clins d'œil. J'ai remarqué des fois où tu as les mêmes mots au début et à la fin, comme si l'auteur savait qu'il y a un lien entre la première et la dernière phrase. Et je sais même pas quand... Pour Bibi, je vais la faire chier, je mets le même mot au début, le même mot à la fin. C'est ça. Je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas. Donc, la première phrase de ce roman Midnight Sun, donc roman de plus de 800 pages, hein, c'était le moment de la journée où je regrettais plus que jamais de ne pouvoir dormir. C'est rigolo, c'est un vampire qui dit ça. Oui, mais ça, tu le sais pas si tu ne connais pas l'histoire. Non, c'est vrai. Mais moi, je connais un peu la fin, puisque tu m'as tout raconté, puis qu'on a regardé Twilight tous les deux. On a regardé le premier volume. Enfin, le premier film. Oui, bah, c'est déjà suffisant. Et donc, la dernière phrase, je vérifie que c'est bien la dernière phrase. Non, il y a une page de remerciement. Oui, bon, alors c'est bien la dernière phrase. Tandis que la nuit l'emportait enfin sur le jour, je me penchais de nouveau et embrassais la peau tiède de sa gorge. Ouh, sensuel. Oui. Alors, Bibiche, dis-nous tout de Midnight Sun. Voilà. Tout, ça va prendre un petit peu de temps si je dois résumer les 800 pages. Oui, alors prévenons déjà qu'il y a potentiellement des spoilers dans cette émission. Oui. Mais après, on n'en met pas trop pour vous donner l'envie quand même d'aller voir les livres. Après, Midnight Sun, ça parle quand même d'une série qui est très connue. Enfin, la série Twilight, même si on n'a pas lu les romans ou pas vu les films, ça reste quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. Oui, mais moi je connais. C'est ça. C'est qui est quand même un critère, étant donné que tu n'es pas très littérature jeune adulte, plutôt féminine, sur les filles qui fantasment sur les vampires. C'est vrai que ce n'est pas forcément le genre de livre vers lequel je vais en premier. Mais tu as déjà entendu parler de Twilight. Oui. Ce qui prouve bien que c'est connu. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu es allé vers... Alors pas vers Twilight, mais vers Midnight Sun. C'est le fait que tu aies lu Twilight. Oui. Oui, oui. Si je n'avais pas lu Twilight, je ne pense pas que je serais allé dessus. Enfin, en tout cas, pas spontanément comme ça. Là, dès que je savais qu'elle était en train de l'écrire depuis un certain temps, et je savais que quand il serait sorti, je l'achèterais et je le lirais. Alors, donc, moi, je n'ai pas le résumé, parce que derrière, en fait, c'est juste un extrait du bouquin. Je n'ai pas le résumé. C'est quoi l'histoire de Midnight Sun en autant de monde que tu voudras nous en donner ? Alors, pour faire bref... Twilight, l'intégralité de la série, ça raconte l'histoire d'une adolescente de 17 ans qui part de Phoenix, Arizona, de sa vallée ensoleillée et qui va vivre dans l'état de Washington, dans l'une des villes les plus humides du pays. Elle va rencontrer des vampires qui sont un peu atypiques par rapport au mythe du vampire, on va dire, communément admis. Et l'histoire... Ils n'ont pas de dents, c'est des vampires sans dents. Tout à fait, c'est très pratique du coup pour se nourrir. Ils mordent avec les gencives. Ce serait très drôle. Mais en fait, bon, je passe les péripéties, mais la série Twilight, c'est la vision de l'héroïne, Bella, tout au long des 4 volumes. J'ai la chanson dans la tête. Oh, Bella! C'est quoi cette chanson? Tu sais, c'est Maître Gims, je crois. Ah oui, alors bah, je connais pas. On la mettra en post-synchro si vous voulez. D'accord. Ou pas. On va pas se sentir obligé. Non. Du coup, donc là, les 4 volumes de Twilight, c'est la version de Bella. C'est elle qui est l'héroïne. C'est écrit à la première personne. À part un petit passage, on va dire un tiers du dernier tome qui est écrit par l'un des autres personnages. Mais c'est la vision de Bella. L'intérêt de Midnight Sun, c'est que Stephanie Meyers, elle a réécrit le premier volume du point de vue de l'autre personnage, d'Edward, le vampire. Et du coup, ça permet d'avoir une autre vision de la même histoire. En tant qu'auteur, je trouve ça captivant. C'est un travail qui est très intéressant. Ça permet de combler certains trous. Ça permet d'avoir des explications sur le comportement des personnages. Et je trouve ça vraiment très intéressant à découvrir. Est-ce que à la lecture, tu penses que l'exercice il est forcé? Parce que bon, tu l'as dit, Twilight c'est une série qui a cartonné. Est-ce que ça se sent que elle a fait un truc pour le faire et du coup elle s'est dit bon bah je vais essayer d'avoir un autre point de vue et du coup ça se sent, ou est-ce que tu as le sentiment à la lecture que c'était peut-être anticipé, pensé d'avance, que elle avait déjà ça en tête? Alors c'était ma crainte. Quand j'ai entendu dire qu'elle écrivait la version d'Edouard du premier roman, je me suis dit, oulala, ça sent... en fait, elle a gagné plein de fric avec les 4 bouquins. Ben, elle va en faire un autre pour rester dedans. Il y a déjà eu une petite tentative avec un volume qui est extrait en fait, de la série. C'est l'histoire de Britanner. Et du coup, je me suis dit, ouais, elle tire sur la corde, ça va, en fait, ça va pas être intéressant. Mais j'étais quand même curieuse de voir ce que c'était. Bon, alors, quand j'ai vu le bouquin, la taille, ça doit être à peu près 2 fois la taille de Twilight, qui est le premier volume. Donc, je me suis dit, ouais, il doit y avoir quand même quelques... Ça doit être un petit peu plus fouillé que juste pour le fric. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise, parce que c'est vraiment... très intéressant à lire. Il y a beaucoup de... Je pense qu'en tant qu'auteur, elle avait déjà ça en tête quand elle a écrit le premier volume. Peut-être pas forcément aussi détaillé, pas avec tous les détails, chaque séquence vraiment dans sa tête. Mais pour moi, elle avait déjà le point de vue d'Edouard dans sa tête quand elle écrivait le scénario. Et elle l'a juste finalisé avec... tout l'emballage autour. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a pu avoir tous les deux parce qu'on aime aussi écrire. Bon, on n'a pas préparé cette émission, mais on a déjà eu l'occasion de discuter de Midnight Sun. Hein, on fait juste que répéter devant un micro. C'est vrai que c'est aussi la question dans la démarche d'écriture, même si, toi, c'est ce que tu dis par rapport à ce que tu écris, c'est-à-dire que même si tu écris et que tu adoptes le point de vue d'un personnage, tu essayes, toi, dans ton écriture, de quand même anticiper le point de vue des autres, la réaction des autres ou ce genre de choses. Oui, parce que si on veut que, par exemple, ne serait-ce qu'un dialogue, pour que ça soit crédible, il faut tenir compte de la personnalité de chacune des personnes qui participent au dialogue. Dans une histoire, si le personnage y fait quelque chose et que ça ne va pas du tout avec son caractère ou son tempérament ou sa manière... Enfin, on est obligé de tenir compte de chaque personnage dans ce qu'il est. Et c'est pas possible d'écrire une histoire si on n'a pas... même inconsciemment, le point de vue de chacun des personnages et ce qui fait que pourquoi ils vont réagir comme ça, pourquoi lui il fait ci, pourquoi lui il fait ça, pourquoi ces deux-là ils réagissent pas pareil. Même si on n'a pas forcément tout posé sur du papier, on a forcément une idée de comment fonctionne chacun des personnages. Et même si on se focalise en l'écrivant sur un texte à la première personne qui se concentre sur un seul personnage, on sait pourquoi les autres protagonistes réagissent de telle ou telle manière. C'est pas possible autrement, sinon c'est pas crédible. Alors, pour t'avoir vu lire le bouquin, tu as lu Midnight Sun. Oui. Et après, tu as repris les autres bouquins. J'ai relu le premier tome de Twilight avant de lire Midnight Sun, parce que je voulais vraiment avoir... je ne l'avais pas relu depuis au moins 5 ans. J'avais pas revu le film non plus, mais il y a des petites différences entre le livre et le film, et je voulais vraiment avoir tous les événements dans le bon ordre pour pouvoir comparer les deux, pour voir si vraiment il y avait la même succession d'événements. Donc Midnight Sun, ça reprend l'intrigue du premier. Du premier uniquement. D'accord. Donc du coup, c'est intéressant parce que tu vas éluder une difficulté que j'allais avoir dans ma question, parce que initialement, je pensais que tu avais relu le premier après avoir lu Midnight Sun. Auquel cas, je t'aurais demandé d'oublier ta relecture. Comme tu as relu le premier avant Midnight Sun, qu'est-ce que on apprend ? Est-ce que ça enrichit la lecture du premier ? Est-ce qu'on apprend vraiment des choses ? Est-ce que ça t'a amené toi aussi à reconsidérer certaines choses qui étaient dans le premier ? Oui, parce que Edward, c'est un personnage complexe. On comprend pas forcément toujours ses réactions. Ça permet d'avoir sa vision des choses. Même s'il explique certaines choses à Bella sur le fonctionnement d'un vampire, sur ce qui réagit, l'attirance pour le sang humain, le fait que... Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, si j'ai bien compris le film, lui, il fait partie d'un groupe de vampires qui a renoncé à boire du sang humain et qui s'appelle des végétariens parce qu'ils se nourrissent de sang animal et pas de sang humain. C'est ça. Et ils aiment bien les biches. Ouh, j'aurais peut-être avoir peur alors. Oui. Et en fait, le sang humain a une attraction particulière quand même sur eux parce que ce sont des vampires. Et il se trouve que Bella, elle a le sang qui est le plus attirant au monde possible, inimaginable, pour Edward. Il y a des midi-chloriens dedans. Peut-être. On verra si un jour ils partent dans les étoiles. C'est une influence. Mais du coup, ça permet de comprendre en fait ses réactions. Même s'il nous l'explique dans la version de Bella, on ne comprend pas l'intensité de sa réaction ou de ses décisions. Et là, ça permet vraiment d'avoir sa souffrance dans sa tête, le fait qu'il envisage 15 fois en l'espace de 10 secondes de la tuer parce que en fait, c'est plus simple et que ça met fin à ses souffrances. Et c'est vraiment enrichissant. Ça permet d'élargir vraiment la compréhension du personnage. Est-ce qu'il y a des révélations ? Non, parce qu'on connaît déjà l'histoire. Donc c'est vraiment juste la découverte effectivement d'un autre point de vue. Et il n'y a pas effectivement de... Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est rassurant par rapport à la démarche de l'auteur, ce que tu disais un peu au début, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y avait eu des révélations, on aurait pu se dire, bon, c'est des révélations qui ramènent à reconsidérer les choses, donc peut-être pour aussi vendre d'autres histoires après. Là, c'est vraiment un exercice d'auteur. Après, le tome s'y prête peu parce qu'ils sont quand même très, très souvent tous les deux ensemble. À part au tout début où il y a une semaine, 10 jours, peut-être un peu plus, où Edward fuit la ville de Forks pour pouvoir lutter contre l'attraction et l'envie de la tuer parce qu'il a envie de s'abreuver de son sang. Et à la fin, un passage qui doit durer un jour ou deux où effectivement ils sont séparés, mais sinon ils sont la plupart du temps toujours ensemble ou pas très éloignés. Ce qui fait que l'histoire, il n'y a pas la possibilité non plus d'apporter une péripétie complètement inédite. En tout cas, pas dans le premier volume. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont marqué particulièrement dans le livre ? Est-ce qu'il y a des passages sur lesquels tu veux revenir ? Est-ce qu'il y a des... Alors, il faut savoir que j'ai lu ce livre il y a 2 mois. Et que j'en ai lu d'autres entre-temps. Oui, c'est bon, donc... il fait 800 pages, ça a dû te marquer quand même. Oui, mais j'ai lu ces 800 pages en 24 heures et j'avoue que non, il n'y a pas forcément un passage qui me revient. Si j'avais su que on ferait l'émission. On ferait une émission dessus. J'aurais eu plus de temps, j'aurais pris des notes. J'aurais pris des notes à ce moment-là, mais c'était il y a 2 mois, j'ai dû lire 3 ou 4 bouquins depuis et il n'y a pas forcément un passage qui me revient comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres tomes où tu aimerais avoir des points de vue différents ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans Star Trek, mais dans Twilight que tu aimerais avoir d'autres... Est-ce que ça éveille d'autres envies ? Voire même dans d'autres romans ou dans d'autres sagas, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu t'es dit « Ah tiens, j'aimerais bien avoir aussi cet exercice-là sur d'autres... » Alors, dans Twilight, le deuxième tome peut être intéressant du point de vue d'Edward parce qu'il y a un grand moment où ils sont séparés et ça pourrait être intéressant. Après, c'est une question aussi d'affinité avec les personnages. On a aussi envie d'avoir plus... on a envie de s'intéresser aux personnages qu'on préfère. Mais après, par rapport à l'histoire en elle-même, je pense pas que ça apporterait grand-chose d'avoir le point de vue, je sais pas moi, de Rosalie ou... J'ai la musique de Carlos dans la tête. Je choisis bien les noms. Ou de... Après, ça serait intéressant, mais ça serait intéressant sur une autre période, par exemple. Je pense à Jasper. Sa version de ce que de ce qu'a été sa vie vampirique pourrait être intéressante, mais ça n'aurait mais pas dans le pas en l'intégrant dans Twilight. Là, pour le coup, ce serait un produit dérivé, mais qui serait pas sur l'histoire de base. Mais il y aura pas deux versions de la même histoire. C'est ça. Mais sinon, la version d'Edward du deuxième tome pourrait être sympa de voir comment il a vécu ce qui se passe dans le deuxième tome. Et en dehors de l'univers Twilight, est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Ou sinon, là, je te la pose, du coup. Là, tu me la poses, du coup, je suis prise un peu de court parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Mais oui, pour certains romans, je pense que surtout les romans où qui sont écrits à la première personne et où tu n'as qu'une seule version, en fait, ça peut être intéressant. Là, j'ai pas forcément un truc qui me revient à l'esprit, mais ça peut toujours être intéressant, même si c'est un défi pour un auteur, je pense, parce que c'est reprendre la même histoire en la rendant intéressante encore à découvrir, parce que il y a rien de nouveau, en fait. L'histoire, elle est la même, c'est juste la découvrir sous un autre éclairage, et c'est pas facile de donner de l'intérêt à quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, si on parle, pour conclure un peu, je vais élargir un peu, de Stephenie Meyer. J'adore Stephenie. I love you, Stephenie. Il y a beaucoup de « dans cette émission. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de « dans Stephenie. Merci. Mais qu'est-ce qui... Moi, je suis un homme. Tu n'auras pas échappé, je suis un homme. Et donc, du coup, je regarde un petit peu ça de l'extérieur. Je ne suis pas forcément curieux de lire, mais en même temps, je m'interroge. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence dans Stephenie Meyer ? Tu as parlé un peu des personnages, de la vision des vampires. Peut-être que tu veux approfondir. Et sinon, même dans le style, est-ce qu'il y a une patte Stephenie Meyer qui fait que... Je ne dirais pas qu'il y a une patte Stephenie Meyer. J'ai lu d'autres romans d'elle. Il n'y a pas forcément... Enfin, je n'ai pas trouvé, moi, une patte Stephenie Meyer. Mais j'ai aimé... sa capacité à réinventer le mythe du vampire. Parce que le vampire, ça fait partie des créatures fantastiques que tout le monde connaît, qu'on se pose pas de questions. Voilà, c'est des créatures qui vivent la nuit, qui boivent du sang humain, qui doivent pas, enfin, qui brûlent dès qu'ils sont à la lumière du soleil, un pieu dans le cœur et ils meurent. Enfin, on connaît tous les classiques de Dracula. C'est vraiment une vision qui est rentrée dans la. Je trouve pas le mot. C'est une image d'Épinal, le vampire. C'est ça, le vampire, ça reste un truc que tout le monde connaît. Même si on n'a pas lu d'histoire ou vu d'histoire de vampire, on sait tous ce que c'est qu'un vampire. Et elle a réinventé le mythe. Et ça, c'est un truc que j'admire beaucoup. Oui, j'ai vu qu'il brillait comme une tenue de Claude François quand ils étaient à la lumière c'est du jour. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est bien comme ça, mais apparemment... C'est tout à fait ça. Leur peau est composée de milliers de petits éclats de diamants. Ce qui est effectivement très handicapant. Bah, c'est ce qui explique qu'ils, eux, ne peuvent pas se mettre à la lumière. C'est pas qu'ils vont brûler, se consumer s'ils ont à la lumière, c'est juste que du coup, au niveau discrétion, c'est pas top. C'est ça. C'est difficile de passer inaperçu si quand tu avances dans le soleil, t'as l'air d'une boule à facettes, quoi. Oui, le fameux vampire espion du KGB en prend un coup. Tout à fait. Bon, après, en Russie, peut-être, en Sibérie, où il n'y a pas trop de soleil, peut-être. Mais bon. C'est un truc qui m'a fait aimer la série. C'est le fait de réinventer un mythe et de faire que ça tient la route et que ça ait eu autant de succès par derrière, je suis admirative. Alors, on a notre chat qui éternue pour nous signaler qu'il est l'heure de tourner la page et donc, du coup, de passer à un autre ouvrage. Tu l'avais bien conditionné pour le timing. Hein. Oui, t'as vu, on adresse bien avec des croquettes. voilà, c'était donc Midnight Sun de Stephenie Meyer aux éditions, je pense que là, c'est les éditions France Loisirs, je crois. Oui, je l'ai pris à France Loisirs, mais sinon, si tu regardes sur la première page, là où il y a le titre en anglais... C'est pas bête. Effectivement, c'est comme ça dans les ouvrages. Ouais. Édition de Noyelle. Voilà. C'est formidable. C'est fort, fort, fort formidable. Et donc, on va passer au roman que toi, tu as lu dernièrement. Alors, en comparaison de, du pavé que tu avais dans la main, moi j'ai un tout petit ouvrage que je peux tenir. Que, pavé que tu as lu en 24 heures, petit ouvrage que j'ai lu à peu près en une semaine. Oui, mais nous n'avons pas la même capacité d'immersion dans un roman. C'est vrai. Et puis, il faut, faut penser que j'étais en vacances et toi, tu étais... En vacances aussi. En vacances aussi. Mais c'était les vacances de Noël, donc... Donc, alors, par contre, alors, moi, le premier truc qui me frappe quand je prends ton bouquin, c'est que le résumé au dos, il est écrit en gris foncé sur noir, ce qui est hyper pratique pour le lire. Du coup, je suis obligée d'allumer la lampe de ton portable, de mon portable pour réussir à lire ce qui est marqué dessus. Donc, c'est un roman de très, très peu épais, de 150 pages à peu près. De Sébastien Rutès. Visiblement aux éditions Gallimard. Et alors, le titre, c'est Mictlan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, Mictlan. Alors, donc, la couverture est toute noire, recto, verso, avec juste le titre en gris foncé et le nom de l'auteur en rouge. Ce qui ne me donne absolument aucune indication sur le style de roman que ça peut être. Et donc, comme je le disais, le résumé, il est gris foncé sur noir, ce qui est hyper pratique pour le lire. Du coup, je veux bien que tu me dises un petit peu ce que c'est comme genre de roman. Alors, Mictlan, c'est un roman... Alors, il y avait plus d'infos sur la version originale, parce qu'il y avait un petit bandeau avec un camion et un cactus. Donc, c'est ce qui m'a attiré. En fait, je me suis dit, ah, tiens, un camion, un cactus. Alors, il y a effectivement des cactus. Quand on ouvre la première page, sur la première et la dernière page, il y a effectivement des dessins de petits cactus. Oui, parce que Mictlan, c'est une espèce de monde d'après dans la mythologie mexicaine, et le concept de ce roman français, donc c'est français, oui, c'est français, même si ça s'inspire d'une histoire vraie mexicaine, puisque le concept de base, on l'a tout à la fin, il ne le dit pas au début, mais on l'a tout à la fin, il précise que ça s'inspire, en septembre 2018, un semi-remorque contenant 157 cadavres a été retrouvé sur un terrain vague près de Guadalajara au Mexique. Les morgues étaient pleines, les cimetières aussi, la loi mexicaine interdit la crémation des victimes des morts violentes, les autorités n'avaient trouvé que cette solution pour conserver les corps. Effectivement, c'est l'histoire concrètement de Mictlan, c'est... il est parti de cette idée d'avoir des cadavres. D'ailleurs, il reprend exactement le même nombre de cadavres. On a un semi-remorque avec 157 cadavres à l'arrière. C'est la solution pour un gouverneur, visiblement, d'un État, mais qu'on ne dit pas trop. On est dans une espèce de monde on a un peu le sentiment d'un monde un post-apocalyptique. Oui. Mais en même temps, ça pourrait être aussi un monde réel. Il y a très peu d'informations en fait, sur l'univers. Mais c'est pas forcément situé au Mexique. Ça pourrait être... Il n'y a pas d'indication précise. On le pense. La référence à Mictlan le laisse à penser. Mais voilà, c'est un gouverneur qui est en phase de réélection, qui veut pas trop que ça sache que ses promesses sur la criminalité n'ont pas trop été respectées. Donc du coup, les cadavres qui sont en surplus sont enfermés dans un camion et on confie à deux hommes de conduire ce camion sans autre itinéraire que de rouler, avec l'interdiction formelle de s'arrêter à aucun moment, sauf pour faire le plein de carburant. Donc c'est dire quasiment peut-être juste des pauses pipi aussi quand même. Et en fait, ils doivent faire leur pause pipi pendant qu'ils font le carburant. C'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui fait le plein, l'autre va pisser, acheter à bouffer en courant, et puis remonte dans le camion, parce d'accord. que le but du jeu, c'est surtout de ne pas se faire arrêter, de ne pas éviter les soupçons, etc. Et donc on suit en fait ces deux conducteurs qui vont faire équipe dans la cabine du camion. Et c'est ça qui m'a un peu intéressé, cette espèce, à la base, c'est cette espèce de huis clos entre ces deux personnages, dont on n'a pas le nom. Il y a juste cette très jolie phrase pour les décrire. Ils s'appellent respectivement, enfin, on les appelle gros et vieux. Et pour les décrire, gros et vieux. Voilà. C'est bien trouvé. Donc voilà. Alors, je ne peux pas faire comme toi, je fais. La première phrase, la dernière phrase. Tu veux dire que je ne peux pas lire la première et la dernière phrase de ton roman pour me donner envie de le lire ? Bah, tu peux essayer. Vas-y, fais-toi plaisir. Je commence. Première phrase. Les ruines d'une église couvertes de tags obscènes, un cheval crevé sur le bas-côté, un bordel pour routier abandonné, encore de l'essence pour 4 heures, peut-être 5, et cette envie de pisser, Mais les ordres sont formels, interdiction de s'arrêter ailleurs qu'aux stations-service pour faire le plein, et encore pas longtemps, ordre du gouverneur, à en croire le commandant. Gros, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire si tu t'arrêtes, c'est pour toujours. Si tu t'arrêtes pour pisser, autant creuser ta tombe sur le bas-côté, au milieu des ordures. Vu que bientôt, tu ne voudras pas mieux qu'une canette écrasée, ou un reste de sandwich moisi, ou un préservatif jeté par un camionneur qui a levé une putain dans un des bordels qui s'aligne le long de la route. Autant creuser ta tombe et t'y coucher tout de suite, ça fera moins mal et ça durera moins longtemps. Le commandant ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. On ne dit jamais les choses comme ça dans ce pays. D'ailleurs, on ne dit jamais grand-chose, mais on sait se faire comprendre et on sait deviner. Bon, là, je vais tourner la première page et il n'y a toujours pas de point. Oui, il n'y a toujours pas le point. Le premier point, on est à la page 11, le premier point, il intervient à la page 33. D'accord, effectivement, c'est une longue phrase. Oui, c'est justement la. Alors, c'est la belle surprise de ce livre parce que c'est justement la particularité. Donc, comme je te l'ai dit, le contexte au final, on s'en moque dans ce livre. Les éléments sont posés. Tu lis la quatrième de couverture, tu as le résumé. Les éléments sont posés. C'est un gouverneur qui veut cacher des cadavres et il y a deux mecs qui conduisent un camion pour jusqu'à l'élection, enfin, jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter. Et ils ont interdiction de s'arrêter. Et on n'en sait pas plus, on n'en saura pas plus. On sait juste que s'il s'arrête, il meurt, et voilà. Et c'est la spécificité dans la manière dont c'est écrit, et la bonne surprise que j'ai eue, c'est que, effectivement, quand tu commences, c'est très perturbant, il n'y a pas de point, tu es emmené sur ça, et en fait, quand on avance dans le bouquin, le moment où il s'arrête, on commence à avoir des phrases plus courtes, avec des points. Et en fait, c'est le principe de la narration, c'est tant qu'il roule, on est dans une espèce, on est exactement comme eux, ils roulent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, on est dans, ça prend un rythme, et je trouve que c'est un livre que j'ai lu assez, enfin, j'ai mis une semaine à lire aussi parce que je voulais pas le lire quand t'étais à la maison. Parce que c'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire à voix haute, j'adore lire à voix haute, et là j'ai vraiment. Tu l'as lu à voix haute? Je l'ai lu à voix haute. Parce qu'il y a vraiment, à un moment donné, cette espèce de rythme. Les 33 premières pages, peu à peu, on prend tu le rythme. Tu sens plus la respiration du roman, en fait. On sent la respiration. Effectivement, on a pas mal de répétitions. Il y a des moments où... Alors, le narrateur, visiblement, c'est Gros, même si Gros parle de lui-même à la troisième personne. Mais ça a l'air d'être lui. Et effectivement, bah, voilà... Tant qu'il roule, il n'y a jamais de phrase, il n'y a jamais de ponctuation. Les points sont remplacés par des virgules et donc on est vraiment dans des pauses brèves et on est pris vraiment dans le rythme du récit. Ça par continue contre, de rouler tout le temps. Voilà. Ça roule, ça parle. Et quand il s'arrête, là, le récit, il est fait avec des phrases courtes et puis ça se pose un peu plus. On est aussi dans des moments un peu plus de contemplation, c'est-à-dire qu'on regarde un peu le décor, là où il ne regarde jamais le décor. Et c'est aussi, cette narration, elle est vraiment au service de l'histoire parce qu'au final, et c'est ce que j'aime dans ce genre de bouquin, c'est qu'on est dans un livre où le parti pris de départ, il est un peu, voilà, c'est deux mecs qui conduisent un camion avec 157 cadavres à l'arrière et tu dis, mais comment le mec va réussir à faire 150 pages avec et en fait, Ah, parce qu'il n'y a pas de péripéties, il leur arrive rien d'extraordinaire. Alors, il en arrive. Parce qu'au final, on se demande quand même quelle est la fidélité de ce parcours, où est-ce qu'ils vont, etc. Y a évidemment des écueils, parce que alors, l'un des enjeux, c'est que lui, Gros, on lui a montré ce qu'il y a à l'arrière, il a vu qu'il y a des cadavres, ils sont joliment empilés dans des oui, trucs, ils savent etc. ce qu'il y a dans le camion. Ils savent ce qu'il y a dans le camion. Vieux, lui, le sait. Mais Vieux n'a pas vu ce qu'il y a à l'arrière et Vieux, visiblement, a envie de voir ce qu'il y a à l'arrière. Sauf qu'ils ont l'interdiction de voir ce qu'il y a à l'arrière et puisqu'ils ont l'interdiction de s'arrêter, sauf pour faire le plein. Et c'est là le point de vue, c'est que du coup, Gros, à la fois en même temps qu'il parle de... On en apprend sur lui, pourquoi il est là, parce que c'est quand même bizarre. Ça, c'est... Oui, les deux mecs qui sont embauchés pour conduire un camion de cadavres. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont quand même leur propre cadavre derrière. Donc, on découvre un peu l'histoire de leur propre cadavre, de ce que eux, ils traînent, de leur passé, le passé de Gros, le passé de Vieux, par les yeux de Gros. Et en fait, c'est un récit aussi sur la rédemption. Et Mictlan, c'est ça, en fait. C'est, alors, je n'ai pas trop fouillé, mais... Dans la culture et les légendes mexicaines, c'est une espèce de monde où on va, où c'est l'étape, hein, c'est une sorte de purgatoire, c'est l'étape avant de monter au ciel. D'accord. Et c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, dès le début du bouquin, on sait que ça ne peut pas se finir. C'est-à-dire que ces deux gars qui sont en train de conduire un camion, s'ils s'arrêtent et ils meurent, si... Mais comment ils meurent s'ils s'arrêtent? C'est juste qu'ils se font prendre. Mais en fait, c'est-à-dire que comme... Soit ils se font prendre, et dans ce cas-là, le gouverneur va devoir partir, et ils vont récupérer 157 ouais. cadavres, et voilà. À mon avis, ils vont en récupérer 159, du coup. Voilà, 159. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est tout le problème de Gros, c'est que Gros se méfie beaucoup de Vieux, parce qu'il sent bien que Vieux, il veut voir ce qui se passe à l'arrière. Et on lui a clairement fait comprendre que si Vieux regarde à l'arrière, il faut qu'il l'abatte. Sauf que s'il abat Vieux, il va se retrouver tout seul à conduire le camion. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas faire les pauses. Donc forcément, il va s'arrêter. Mmh. Donc il est tiraillé entre le fait de « je suis obligé de rouler avec lui, il faut que je fasse attention, il ne faut pas qu'il aille regarder derrière ». Et en fait, ils sont prisonniers l'un l'autre. Bon, évidemment, ça va dérailler. Et puis, voilà, je ne raconte pas trop la fin. Mais ils vont s'arrêter une fois. Et puis, Vieux va regarder derrière. Il va arriver un peu péripétie. Mais au final, tout ça, le trajet importe peu. On ne sait jamais où ils vont. Eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir où ils vont. Mais c'est effectivement, peu à peu, on découvre que ces gars qui sont... On ne sait pas où ils vont parce que... Ça n'a pas d'importance. Dès le départ, on sait qu'ils vont mourir parce que... C'est pas un road trip où ils partent d'un endroit pour aller à un autre endroit. C'est juste le fait qu'ils sont tout le temps en train de rouler. C'est pas Thelma et Louise. Même à la fin, admettons, le gouverneur, il est réélu, il va pas leur dire « Bon, bah, merci les gars, là, on peut enterrer les cadavres. Bonne journée à vous, à bientôt. » Donc, ouais, mais ils peuvent pas continuer à rouler indéfiniment. Voilà, il n'y a pas de fin possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est bah, comment au final, tu comprends toi avec le rythme, avec l'évolution, avec la narration, etc., tu es pris dans le truc, et tu comprends en fait que finalement il n'y aura pas de fin, que la destination à un moment ne devient pas importante, que ce qui est important, c'est la destination des personnages, oui. la destination humaine, de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont quoi qu'il arrive condamnés à mort, donc c'est plus... T'en viens à te dire, c'est comment est-ce qu'ils vont choisir leur mort ? Comment est-ce qu'ils vont mourir ? Ils en ont conscience dès le départ ? Ça leur vient pendant le trajet ? Alors, je pense qu'ils n'en ont pas conscience dès le départ. Alors, Vieux... Bon, il est vieux, hein. De toute façon, il est près de la mort. Oui, Vieux, il est près de la mort. Mais surtout, Vieux, il a des choses qui pèsent sur sa conscience. Et je pense que Vieux, il est déjà mort. Dans sa tête, il est déjà mort. Mmh. Gros, c'est un peu pareil, mais Gros, et je pense qu'il a encore l'espoir de vivre quelque chose, en tout cas de changer. Et Gros, il change au cours du trajet. Gros, on le voit évoluer. On voit comment il aborde son destin, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est effectivement... Il y a tout, c'est-à-dire que dedans, il y a... ils vont être... le camion va être volé par des narcotrafiquants. Ah oui, il y a quand même des péripéties. Il y a des péripéties, mais les péripéties, elles se résolvent très vite. C'est juste des petits obstacles, mais oui, qui vont faire... L'intérêt. Par contre, évoluer effectivement les personnages jusqu'au final, qui est le final, c'est Mictlan. Hein, donc, quand on commence à s'intéresser, je ne dis pas trop, mais quand on commence à regarder un petit peu ce que c'est que Mictlan, bon, on devine un peu ce qui peut se passer. Mais c'est vraiment, pour moi, la force, c'est vraiment la narration de ce livre qui est vraiment très prenante qui embarque le lecteur. C'est-à-dire plus que par l'histoire, il y a évidemment l'intrigue, il y a le destin de ces personnages auxquels on s'attache, mais sans forcément s'attacher, parce qu'au final, il n'y a rien. C'est-à-dire que Gros, on n'en sait pas trop grand-chose, Vieux, on ne sait pas trop grand-chose. Mais c'est juste qu'on est pris par ce rythme, par cette lecture où effectivement, on n'arrive pas à décoller des pages. Et vraiment, moi, j'ai lu les passages où ça ne s'arrêtait pas, je les ai lus d'une traite. Oui. Mais j'avais le sentiment vraiment à la fin de devoir m'arrêter. Parce que j'avais été pris dans le rythme, etc. Il fallait que je me pose, il fallait que moi-même je fasse une pause. J'étais vraiment impliqué dans le bouquin. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'écriture, il y avait forcément ce lien d'attachement qui se faisait avec le personnage, alors que tu n'as rien sur lequel t'attacher. Tu as un peu d'empathie pour ces personnages. Mais voilà, t'es effectivement pris. C'est vraiment la narration, moi, qui m'a beaucoup marqué dans ce livre. Ce côté sans fin, à un moment donné, tu me dis où est-ce que ça va s'arrêter, qui est très perturbant au début. Oui, j'imagine que quand tu commences un roman et que tu te rends compte qu'il n'y a pas de point, tu te demandes où ça va s'arrêter. Le premier point, je crois que c'est... Enfin, il y a un point à un moment donné où il y a un point d'exclamation suivi d'une virgule. Mais il s'est déjà passé 3 pages, quoi. Et puis tu dis, s'il y a une virgule, il y a un truc de louche. Du coup, tu peux vraiment dire que le style, la mise en forme du roman, elle est au service de la narration. Oui. Et c'est ce qui... J'ai fait le parallèle avec quelque chose que tu connais un peu, qui est un film qui m'a marqué, c'est « Il est difficile d'être un dieu ». qui est un film dont on a fait un podcast avec quelques copains qui leur a laissé des traces, qui est un film russe de 4 heures qui raconte un voyage dans le temps, mais qui est vraiment un film qui est pénible à vivre. Très long. Qui est très long. C'est un monde médiéval très désagréable. Donc évidemment, en fait, le réalisateur nous rend l'expérience visuelle désagréable pour nous faire éprouver en fait ce que ressent le personnage. Oui. Et là, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on éprouve ce côté de... Ce rythme, on l'éprouve vraiment en vivant le truc. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, très immersif. Y a beaucoup qui essayent de l'envisager, qui l'ambitionnent. Je trouve que lui, le réussit particulièrement bien. Voilà. Et pour le coup, on parlait de la longueur au début. Bah, la longueur n'est pas forcément gênante parce qu'au contraire, c'est intense. Oui. J'ai le sentiment que le livre fait 152 pages, 155 pages, et il fait la durée qu'il faut. Plus ce serait forcé d'exercice, moins ce serait peut-être pas assez. Là, je pense qu'il fait la bonne durée, quoi. Bah, ça me rend curieuse de le lire, enfin, pour voir ce que ça donne, en fait, cette respiration particulière, ce rythme particulier. J'avais un extrait, je sais plus. Que je peux peut-être lire. Je vois que tu as beaucoup de pages cornées. Oui, alors c'est mon habitude, c'est que je corne les pages. Alors j'ai une page cornée, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi je l'ai cornée, celle-là. Ah oui, alors il y a cette phrase. Là, pour le coup, on est dans un passage où ils se sont arrêtés. Et il y a l'un des personnages, je ne sais plus qui dit ça exactement. Le monde, c'est comme un grand semi-remor que Dieu conduit sans savoir ce qui se passe à l'arrière. Il est enfermé dans la cabine et fonce, les yeux fixés sur la route pour ne pas finir dans le fossé. Et en fait, c'est le moment où je me suis dit « Ah ouais, putain, oui, ok, d'accord. » On est à la page 109, donc on est aux deux tiers du bouquin. Et c'est là où je me dis « Ah oui, bon, bah, ouais, ok, bon, ça va parler un peu, ça parle un peu d'au-delà, de rédemption, etc. Mm-hmm. » Et j'ai beaucoup aimé cette image de Dieu qui... effectivement, on se pose toujours la question de Dieu, de la volonté de Dieu, etc. Mais l'idée que Dieu conduise un semi-remorque et qu'il s'en foute de ce qu'il y a derrière, j'ai trouvé l'image assez jolie. C'est une vision assez différente de ce qu'on imagine. Et donc là, du coup, je peux peut-être lire un passage qui résume finalement l'histoire et l'intrigue. Et c'est parce que les cadavres sont si bien rangés, alignés, parallèles, qu'il ne faut pas rouler trop vite, pas seulement pour ne pas attirer l'attention des flics ni crever un pneu, mais surtout pour ne pas déranger ce bel alignement, toute cette belle organisation. Le dernier refuge d'ordre et de propreté dans le chaos du monde. Cette sensation d'harmonie que Gros a ressentie quand le commandant a ouvert les portes. Il faut la préserver, pas pour le commandant, ni pour le gouverneur, ni même pour éviter qu'on lui fasse la peau, plutôt parce qu'il en ressent le besoin au milieu de tant de morts et de destruction. Dans un monde où personne n'a d'importance, il y a 157 cadavres bien rangés, alignés, parallèles, dans un camion bien propre, d'un blanc immaculé, suffisamment important pour ne pas devoir jamais s'arrêter. Voilà ce qui fascine Gros. Il se sent responsable de quelque chose, fier d'avoir été choisi pour conduire ce camion bien propre, bien frais, sur une route étroite dans ce désert qui ressemble à une peau d'animal malade, pelée, galeuse, grattée jusqu'au sang et couverte de plaies jusqu'à l'horizon. Une route bien droite et bien lisse qui scintille au soleil, que le soleil et le désert s'acharnent à dissoudre au loin comme s'ils dissolvent des cadavres, mais qui résiste, qui survit malgré les nids de poules et les ordures qui menace de déborder les fossés sur le bas-côté. Une route en forme de destin, un peu plus étroite chaque matin, d'invisibles grains de sable la grignotent. Mais têtue, sûre d'elle, fidèle à elle-même, une route qui a de l'expérience et qui n'a pas froid aux yeux. Et pourtant, Gros et Vieux ont beau rouler prudemment, sans coup de frein, sans coup de volant, en évitant les nids de poules. Eh bien, les cadavres bougent malgré tout. Ils se balancent dans le tangage de leur remorque, roulis de cale, partant calme. Vieux à la barre, les yeux sur le cap, un chenal entre les écueils, un horizon d'épave, monde submergé, fond d'océan au grand jour. Vieux pilote le dernier navire qui n'a pas coulé, l'arche de Noé du monde civilisé. Et Gros, dans l'entrepont, maître d'un équipage de survivants résignés à couler, le naufrage bien mérité, voilà comment se balancent les cadavres au début, comme dans des hamacs en plastique noir, mal de mer, fond de cale, à attendre de basculer dans le vide sur le rebord du monde, jusqu'à ce que l'un des passagers se redresse dans son sac comme s'il avait oublié une dernière chose avant de sombrer, va vers l'habitacle d'un pas décidé, le sac, et ça continue comme ça. C'est une espèce de logorée verbale. Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ça passe d'un sujet à l'autre, enfin, ça, y a aucune respiration en fait, c'est tout dans la suite. C'est ça, et on est effectivement dans la tête de Gros qui est en même temps le narrateur, mais qui parle de lui-même. Donc moi, j'ai le sentiment que Gros, il est un peu spectateur de ce qui se passe. En fait, il est conscient de sa propre conscience. Mm-hmm. Mais en même temps, il est spectateur de ce qui va devenir de lui. Comme si on était déjà un peu dans la séparation du corps et de l'esprit. Et voilà. Et c'est tout à fait ça. Et c'est effectivement... Enfin, c'est... Tu sais que je dis souvent que je n'aime pas relire les bouquins, notamment parce que je pense que dans un livre, une fois qu'on l'a lu, on a appris ce qu'on a à apprendre. Normalement, si le livre est bien fait, on a appris ce qu'on a à apprendre. Il n'y a pas forcément besoin d'y revenir. Là, pour le coup, c'est un livre que j'aurais envie de relire. Oui. Même plusieurs fois, juste pour le plaisir de le relire, pour le plaisir de reprendre des subtilités, etc. Ce qui finalement pourra peut-être m'ouvrir l'envie de lire d'autres livres. Mais pour le coup, voilà, la narration fait aussi que j'ai envie de m'y replonger à un moment donné, de le garder sous coude en me disant « Tiens, j'irais bien refaire un petit tour à Mictlan. » Et il n'y a pas des moments où tu te noies justement dans cette logorée ? Non, ça, sans doute, mais ça passe inaperçu. C'est sans doute qu'il y a des choses à côté desquelles tu passes. Des subtilités, des indices, ou mais non. Alors après, il y a aussi, c'est aussi un autre aspect qui fait que c'est bien écrit, c'est qu'il y a des répétitions. C'est-à-dire que plusieurs fois, par exemple, il y a des rythmes de phrases qui reviennent. C'est-à-dire quand il parle des cadavres qui sont bien alignés, effectivement, il faut y visualiser. On visualise le fait dans la remorque à l'arrière, vous avez 157 cadavres qui sont dans des belles poches en plastique noir, bien empilées les unes au-dessus des autres, bien alignées les unes à côté des autres. Et c'est des phrases qui reviennent, voilà, des cadavres bien alignés. Dans cet extrait-là, on le voit, c'est des rythmiques qui reviennent et qui font que peu à peu, c'est un rythme. Tu prends la lecture que tu avais fait toi au début de la première page et la lecture que moi je viens de faire, je pense que ça sent que ma lecture, elle est déjà... Enfin, moi, j'ai déjà un peu de bouteille avec ce bouquin parce que la lecture, je l'ai tout de suite pris le rythme parce que je suis habitué finalement à... Oui, surtout si tu l'as lu toi à haute voix. C'est ça. Et même dans les phrases, il y a très peu de points. Il y a beaucoup de virgules, c'est beaucoup de petites phrases. Mais ça fait des respirations, enfin, c'est ça. C'est là où il y aurait des points. Oui, et ce qui t'incite du coup à prendre un peu ce rythme et qui s'emballe au fur et à mesure. Et c'est vraiment, le début du livre est très intéressant pour ça, parce que c'est vraiment, tu mets du temps à rentrer, mais en fait tu mets du temps à démarrer le livre. C'est-à-dire que vraiment tu prends peu à peu le rythme, comme un véhicule qui se chauffe, toi tu te chauffes et peu à peu tu commences à prendre ton rythme de croisière dans la lecture du livre. Après t'es plus familiarisé avec le rythme et tu sais où prendre tes respirations en fonction des virgules ou des... Oui. Ou des thèmes, ou quand ça bascule sur un autre sujet. C'est ça, même. Et je trouve que c'est vraiment un exercice aussi intéressant de lecteur, parce que comme tu es pris effectivement dans ce rythme-là, par moments tu te découvres, qu'en fait en lisant vite, tu arrives malgré tout à analyser en fait les éléments et à savoir quand du coup baisser le rythme. Là par exemple dans cet extrait-là, quand il commence à parler de la route et du paysage, mon rythme, moi je constate que mon rythme se pose un peu, ouais. Que je marque un peu plus les pauses entre les bouts de phrases. S'il y a des répétitions, ça doit aider aussi. Enfin, tu sais que ça fait une pause à ce moment-là, ça reprend et... Et je pense que c'est aussi du coup... chacun aura son propre rythme de lecture. Du coup, le rythme de lecture que tu vas avoir va donner de l'intention aussi. Dans la manière dont je le lis, je vais baisser le rythme à certains moments. Je vais donner, finalement, par ma lecture, je vais donner une intention au personnage. Je vais donner de l'importance à tel ou tel truc. Je vais le faire vivre comme s'il y avait son cœur qui battait. Là, dans l'extrait que je viens de lire, je commence un peu plus vite au début parce que je fais battre le cœur du personnage, du narrateur, un peu plus vite. Puis quand on vient sur le personnage, je lui fais baisser son rythme cardiaque. C'est l'image que je me fais, en fait. Oui, c'est ton interprétation. En fait. J'ai effectivement le sentiment de faire vivre le personnage en lisant le livre. Et ça, c'est une expérience que j'ai eue sur aucun autre livre. C'est une expérience inédite. Ben, un livre sans point, ça reste... Alors, il y en a un, mais... Oui, mais bon, ça reste des phrases très longues. Ça a été écrit exprès comme ça, donc c'est pas courant. Et c'est vrai que, effectivement, le gris, c'est pas terrible. Ah non, la quatrième de couverture, elle est illisible. Bon, on a fait le tour de nos deux romans. Oui. Donc, on vous mettra évidemment les liens dans les notes du podcast pour que vous puissiez voir des fiches, soit sur Babelio, mais sinon aussi, pas sur Amazon, mais auprès de votre libraire préféré. Voilà, pour découvrir. Ça peut être chez l'éditeur directement. Chez l'éditeur directement. Préciser, donc là c'était hors challenge, c'est vraiment pour faire découvrir un peu l'idée, hein, c'est que ce soit une conversation entre nous deux et partager un peu ce qu'on fait d'habitude, mais là on le fait avec un micro. Les prochaines émissions, s'il y en a, les prochaines émissions se feront donc avec un thème particulier. On peut peut-être déjà annoncer le thème du premier challenge. Oui, on peut l'annoncer. Alors je reprends ma liste du challenge lecture. Donc pour le thème du mois de janvier, ce sera un roman avec un animal qui a des ailes dans le titre. Et donc pour ça, on vous propose, si vous le souhaitez, chers auditeurs, en note du podcast, vous avez un lien vers un formulaire Google. Vous pouvez nous faire des suggestions de lecture en lien avec le ou les thèmes du Challenge Lecture 2021. Donc n'hésitez pas à utiliser tout au long de l'année ce formulaire pour nous partager des livres. On va évidemment nous chercher les livres de notre côté, mais dans les émissions, là on ne le fait pas, mais dans les émissions, on citera, si vous avez trouvé des livres différents des nôtres, on les citera. Si vous nous avez donné des envies de lecture dans vos commentaires, ben voilà, on en parlera. Et puis éventuellement, si c'est des livres que vous avez lus, que vous avez encore sous la main, vous pouvez nous mettre la première et la dernière phrase. Oui, ça. Pour voir si ça donne envie à Bibiche d'aller voir la suite. Bon, voilà, on rappelle que on est, enfin on rappelle pas, on vous annonce que on est normalement disponible sur PodCloud, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On vous invite à nous donner des bonnes petites notes avec des étoiles et des commentaires sympathiques. Si vous n'avez pas envie, bah, faites comme vous voulez. Et vous puis, passez le chemin et puis c'est tout simple. Et puis bah, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec nos comptes respectifs. Donc moi c'est @dinoscope. alors, il faut que je vérifie parce que je ne me souviens plus. C'est là que tu te dis finalement, ah merde, mon compte Twitter, c'est un petit peu long. Oui, parce que je pense que ça doit être un truc. Alors, c'est. Oh, bon, non, c'est pas si. Si. @SylvaniaHB. Non, HDB2LRD. Avec des majuscules par endroit. Alors ça c'est le début, vous verrez que si on fait un an ou deux de podcast, ça leur a changé je pense de trucs, à dire bon je vais réduire parce que c'est trop compliqué. Au pire vous retrouverez les liens en note du podcast, évidemment. Oui parce que là ça fait trop long à retenir, mais bon, Sylvania HB. Oui c'est vrai, vous cherchez, hop, débrouillez-vous de toute façon, hein. Voilà. Oui. Bibiche. Chamallow. Je te laisse le mot de la fin, parce que je sais que ça va te mettre mal à l'aise. Le mot de la fin. Fin.